écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis à Banga Onana. Souviens-toi du jour du repos pour l'eau sanctifiée. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles dans Exode, chapitre 20, et lisons à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour l'eau sanctifiée. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le mot sabbat signifie repos, cessation d'activité. Son origine date de la création. Cette ordonnance de la cessation de toute activité le 7e jour fut aussitôt incluse par Dieu dans le décalogue. L'homme ne peut vraiment entrer dans le repos qu'après avoir accompli dans la semaine les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance à cet effet, sinon pas de repos de sabbat. Si Dieu n'avait rien entrepris de bon, il ne se serait pas reposé le 7e jour. Par exemple, le diable qui entreprend aussi ses œuvres n'entrera pourtant jamais dans le repos de Dieu parce que ses œuvres sont mauvaises, comme celles des vendeurs de drogue, des homosexuels, des prostituées, des idolâtres, des trafiquants de semences humains, des buveurs de sang humain, des ennemis de l'État d'Israël et des Juifs. D'autre part, selon Deutéronome 5 au verset 15, le sabbat rappelle la délivrance du peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. De même, quand un seul pécheur croit à Christ crucifié et ressuscité et qu'il confesse de sa bouche qu'il est Seigneur et son Seigneur, il est délivré de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort spirituelle et il entre automatiquement dans le sabbat de Dieu. C'est pour cela qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. La loi de Moïse spécifie que pendant le sabbat de la lettre qui tue, on ne doit même pas allumer le feu dans les maisons, même pour préparer les repas. Exode 35, verset 3. Le passage que nous avons lu plus haut interdit même à ceux qui observent légalement le sabbat mosaïque de faire travailler leur boy, leur gardien de nuit, leur chauffeur, leur cuisinier pendant le jour du sabbat. L'accomplissent-ils? Selon la loi de Moïse, le fait de ramasser du bois est considéré comme une violation du sabbat et puni de mort. Nombre 15, à partir du verset 32, nous le dit. Tous nos amis qui observent le 7e jour du sabbat mosaïque et qui ramassent le bois ou qui allument le feu dans leur maison les samedis méritent d'être tués parce que chacun d'entre nous est esclave de celui à qui il croit. Moi, je crois en Jésus-Christ qui n'est pas venu pour me tuer, mais pour me donner la vie. Parce que c'est lui qui a accompli la loi à ma place. La loi de Moïse interdit à ses sujets de transporter des fardeaux, un sac, une chaise, un lit, une natte, le jour du sabbat. Jérémie 17, verset 21. Même voyager les jours du sabbat est une abomination pour les légalistes de la loi mosaïque. Nous trouvons ceci dans Exode 16, au verset 29. Le judaïsme interdit à ses adeptes d'acheter ou de vendre quoi que ce soit le 7e jour, c'est-à-dire les samedis. Ceci est écrit dans Néhémie 10, du verset 30 au verset 31. L'appliquent-ils eux-mêmes? La Bible dit qu'aucun hypocrite, aucun menteur n'entrera dans son royaume. Répandons-nous. Le jour du sabbat, Israël et les Israélites doivent immoler deux agneaux dans le sanctuaire, en plus des holocaustes perpétuels des jours ordinaires. Nous trouvons ceci dans Nombre 28, du verset 9 au verset 10. Le font-ils ? Dans le Nouveau Testament, le sabbat est mentionné en rapport avec les Juifs. Dans Colossiens 2 au verset 16 et dans Hébreux 4 au verset 4, il est mentionné pour indiquer sa signification spirituelle et typologique. Ces deux passages ne disent pas que les chrétiens, les croyants de la dispensation actuelle, celle de la nouvelle alliance, doivent l'observer. Mais ils doivent voir en lui une image du repos de la foi que nous avons en Christ et de celui que tout Israël aura lors du retour de Christ sur la terre pour les délivrer éternellement de la grande tribulation. Sous la nouvelle alliance, notre repos est éternel et tout notre temps appartient à Christ. Aussi, personne ne doit plus être jugé parce qu'il ne pratique pas le judaïsme et la loi de Moïse selon la lettre qui tue et non selon l'esprit qui vivifie. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Colossiens 2 verset 16. Le sabbat mosaïque était l'ombre du vrai sabbat en Jésus-Christ qui devait venir. Paul, ancien légaliste devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ, dit ceci de cet ancien co-religionnaire et compatriote juif dans Romains 10 au verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. » Parce qu'ils se trompent de dispensation. Et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Deux points. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et cela, personne ne l'a pu en dehors du Seigneur Jésus-Christ seul. Dans les premières années de l'église de Jésus-Christ, plusieurs personnes sorties du judaïsme pour devenir des chrétiens faisaient encore des distinctions entre les jours, tandis que d'autres les trouvaient tous égaux. Paul les exhorte par les paroles suivantes dans Romains 14 à partir du verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. L'observation légale du septième jour de repos devait céder la place au repos complet et constant en Christ, dont le repos hebdomadaire n'était qu'une ombre. Le chiffre 7 est celui de la complétion et de la perfection. Dans la dispensation de l'Église où nous sommes depuis environ 2000 ans, tous ceux qui croient en Jésus-Christ entrent dans ce repos tous les jours, de dimanche à samedi, parce que ce ne sont plus eux qui œuvrent, mais c'est le Seigneur qui agit en eux et par eux, et cela tous les jours de la semaine. Paul enseigne ceci aux Hébreux légalistes d'hier et d'aujourd'hui. Hébreux 4 à partir du verset 3. Soyons attentifs, ce passage est très important. Pour nous qui avons cru, entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, quand aujourd'hui, en disant par David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chers amis, à travers ce message, vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Chers amis, ni Moïse ni Josué qui les ont conduits jusqu'à la terre promise ne leur ont pas donné le repos. Parce que celui qui devait donner ce repos n'était pas encore là. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dieu ne parle pas de jour. Il parle d'un repos de sabbat. Il ne mentionne plus le septième jour. Il dit qu'il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Quand ? Aujourd'hui. Et ce aujourd'hui dans ce passage ne fait pas allusion au septième jour calendaire. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En ce jour de la promulgation officielle du décalogue dans Exode 20, le mont Sinaï était couvert de feu et de fumée et il convulsait comme un volcan en éruption. Tout indiquait la présence du Dieu trois fois saint, celui-là qui hait totalement et éternellement le péché et qui aime l'homme pécheur avec la même intensité. Ce concept du repos du septième jour n'est vraiment pas une première ni une nouveauté pour son peuple. Dans Genèse 2, à partir du verset 1, nous lisons « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » La première importance du septième jour de la semaine de la création est qu'il est le seul que Dieu nomme le jour du sabbat, alors que les autres jours ne sont que numérotés. Le septième jour est aussi celui que Dieu bénit particulièrement, celui qu'il sanctifie et celui où il se repose de toute son œuvre, satisfait de tout avoir fait et achevé dans la perfection. Le septième jour est aussi la première chose que Dieu sanctifia. Dieu sanctifia le temps. Ce temps que Dieu avait sanctifié, le septième jour de la semaine de création, n'avait pas 24 heures de durée comme les autres. Pour tous les autres jours, la Bible dit, il y eut un soir et un matin. Mais pour le septième jour, il n'en est pas ainsi. Parce que le septième jour de la création était parti pour durer éternellement en ce qui concerne le repos de Dieu avec sa création et surtout avec l'homme. Mais le péché de l'homme et sa chute interrompirent le repos de Dieu et le remirent au travail, cette fois-ci non plus pour créer, mais pour recréer l'homme et pour lui donner le repos en le sauvant de la malédiction du péché. Ce n'est que l'homme recréé qui peut accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance et entrer ensuite dans le sabbat de Dieu. Il est blasphématoire de croire que nous pouvons passer les six jours de la semaine dans le trafic, dans la casse, dans les villes mortes, dans le mensonge, dans le vol, dans l'adultère, dans la magie, dans le vol des fonds publics, dans l'égoïsme et dans la discrimination pour ensuite nous mettre en quarantaine le samedi sous prétexte que nous observons le sabbat du septième jour. Combien d'heures avait duré ce septième jour de repos? Combien de fois y avait-il eu un soir et un matin avant que le repos de Dieu soit interrompu? Avant que Adam et Ève remettent Dieu au travail à cause de leur péché, la Bible ne nous le dit pas. La seule chose que nous savons est ce que Jésus disait aux Juifs qui continuaient à profaner le sabbat de Dieu par leur péché et à l'accuser de violer le sabbat de la loi de Moïse parce qu'il avait donné le repos à quelqu'un qui n'en avait pas depuis 38 ans à cause de la maladie. Jean 5 à partir du verset 14. Jésus trouva l'homme qu'il avait guéri dans le temple et lui dit, « Vois, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Dieu s'est remis au travail, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Dieu avait donné les 10 commandements, dont le 4e que nous étudions aujourd'hui dans la dispensation de la loi. Cette loi qui n'a rien amené à la perfection, malgré qu'elle soit elle-même bonne, parfaite et spirituelle. Le septième jour de sabbat, comme les autres commandements, n'était que le pédagogue qui devait nous conduire à Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible dans Galates 3, à partir du verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Point. Dans la Bible, les pédagogues étaient des instructeurs qui devaient former les enfants mineurs jusqu'à ce que ces derniers deviennent mûrs et capables de se prendre en charge et d'accomplir leur destinée. Dans Galates 4, à partir du verset 1, nous lisons ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Le sabbat mosaïque n'était que l'ombre des choses à venir, parce que tous ceux qui observaient le sabbat du septième jour calendaire n'ont pas obtenu ce repos tant voulu, parce que leur chair, leurs cinq sens rendaient tous les commandements de Dieu impuissants. C'est ce que Romains 8, à partir du verset 1, nous dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Chers amis, le repos que Dieu nous propose est celui-là où nous sommes un avec lui. Il est impossible d'entrer dans le repos du sabbat si nous ne venons pas à Jésus-Christ, le maître du repos, et si nous ne sommes ni en paix ni un avec lui. Dieu avait aussi sanctifié l'endroit où se trouvait le buisson ardent parce qu'il y était présent. Chaque fois que Dieu sanctifie un endroit ou une chose quelconque, sa présence y est effective. Il est donc impossible à l'homme d'entrer dans le repos ni de l'observer s'il n'est pas un avec Jésus-Christ, le maître du repos. Depuis que Dieu donna ce quatrième commandement comme pédagogue à un peuple rebelle, à un peuple au cou raide, à un peuple charnel pour le préparer en vue du vrai repos qui devait arriver, beaucoup ont observé officiellement le sabbat de génération en génération, mais jamais comme Dieu le voulait, parce qu'ils l'observaient selon la chair et non selon l'esprit. La même chose est vraie de nos jours. La Bible dit dans Romains 8, au verset 8, « Or tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Inutile donc de jouer au judaïsme. L'essentiel, c'est d'avoir l'esprit de Christ en nous. Et surtout que l'observation du sabbat ne pouvait être acceptée par Dieu que si les 9 autres commandements étaient observés. Et cela, aucun homme ne l'a pu, sauf Jésus-Christ. Galates 3, verset 10, nous le dit clairement. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Chers amis, je ne voudrais pas entrer dans le club des maudits. Si quelqu'un observait le sabbat de Dieu comme Dieu lui-même l'avait observé au septième jour de la création, il s'attendait à être béni et sanctifié. Mais comment l'homme pécheur le pouvait-il? Parce que la Bible dit que pendant toute la semaine, toutes nos œuvres sont aux yeux de Dieu comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Tout le temps que dura le repos du septième jour de la création, Adam et Ève se reposaient avec Dieu. Et c'était un repos parfait entre des personnes sans péché, en communion parfaite avec Dieu. Jésus est venu pour rendre possible, une fois de plus, ce vrai repos de Dieu avec sa création. Parce que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Pendant la traversée du désert vers la terre promise, Dieu nourrissait son peuple avec la manne qui tombait du ciel. Du premier au cinquième jour de la semaine, la manne venait en portions journalières. Il était impossible d'en faire une économie pour le lendemain, parce qu'elle se gâtait et devenait infectée et non comestible. Ceci dura une quarantaine d'années. Mais au sixième jour de la semaine, qui équivaut à notre vendredi aujourd'hui, la manne tombait en portions de 2 jours sans se gâter, parce que le septième jour était le jour de repos et la manne ne tombait pas du ciel ce jour-là. Comme nous l'avons dit plus haut, avant que la loi sur le quatrième commandement ne soit promulguée solennellement au Sinaï, elle était déjà en vigueur depuis Exode 16, du verset 23 au verset 30, que nous vous conseillons de lire et de méditer attentivement. Dieu veillait donc à l'observation de tous ses commandements, même avant qu'ils ne soient donnés au Sinaï sur les tables de pierre. Voici quelques exemples. Avant même que les 10 commandements ne soient donnés au peuple par Moïse, le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » avait déjà provoqué la chute d'Adam et de Ève dans le jardin d'Éden. Avant même que le décalogue ne soit donné au Sinaï, le commandement « Tu ne commettras point de meurtre » avait déjà condamné Caïn qui avait assassiné son frère Abel. avant que les 10 commandements ne soient donnés, Cham ne fut pas béni par Noé son père, qu'il n'avait pas honoré. Parce que la loi dit « Honore ton père et ta mère ». Avant la loi, Abimélec craignit Dieu. Il ne toucha pas à la belle Sarah qu'il convoitait. Sarah, l'épouse d'Abraham. La loi dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Chers amis, la pensée de Dieu, sa nature et sa sainteté n'ont pas commencé avec la loi de Moïse. Ce n'est donc pas au mont Sinaï que le sabbat avait été institué, mais depuis la création, et on n'y entrait que par la foi en Dieu. Galates 3, au verset 10, nous dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. La foi était avant la loi. Abraham n'a pas été justifié parce qu'il a obéi à la loi, mais par la foi. Dans le Nouveau Testament, écoutons la réponse de Jésus au jeune homme riche qui croyait avoir la vie éternelle parce qu'il observait les commandements de la loi de Moïse. Matthieu 19, à partir du verset 16. Et voici un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis en vérité, un riche, même s'il observe la loi de Moïse, selon lui, entrera difficilement dans le repos de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume du repos. Même les disciples de Jésus qui avaient encore les mentalités de la dispensation de la loi interpellèrent le Seigneur à propos. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Jésus, né sous la loi, n'a pas aboli la loi dans sa nature, mais il est venu l'accomplir. En accomplissant la loi, Jésus a aboli par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est ce que nous dit Éphésiens 2, au verset 15. Tout comme nous aujourd'hui, les croyants de l'ancienne alliance n'étaient sauvés que par la grâce. Là où le premier Adam a échoué, Jésus le second a réussi. Là où l'humanité avait échoué d'accomplir la loi et d'entrer dans le repos, Jésus a aussi réussi. Né sous la loi, Jésus allait toujours vers ceux qu'il était venu affranchir, en commençant par les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour cela qu'il avait pour coutume d'aller dans les synagogues. Le sabbat devait être accompli et compris avant tout par tous ceux qui fréquentaient les synagogues, d'où la crise profonde entre lui, la vérité, et les légalistes religieux aveugles. Luc 4, à partir du verset 16, nous dit, « Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Comment pouvons-nous entrer dans le repos alors que nous sommes des captifs ? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà le vrai repos. » Jésus accomplissait plusieurs miracles le jour du sabbat, malgré l'opposition farouche des chefs religieux. Ceci était très pédagogique pour ce peuple au courant. Les démons n'avaient pas de problème pour reconnaître qui était Jésus. Mais ce sont les hommes et surtout les chefs religieux. Les démons connaissaient les prophéties sur le Messie et pas les chefs religieux. Nous trouvons ceci dans Matthieu 8, du verset 28 au verset 29. Aujourd'hui, celui que Dieu délivre de la mort spirituelle, de l'ivrognerie, de la fornication, de l'homosexualité, des traditions antibibliques, des avortements et de leurs conséquences, des tourments de la sorcellerie et de la magie, entre dans le sabbat de Dieu. Dans Marc 1, du verset 21 au verset 31, le jour du sabbat, dans la synagogue, Jésus délivrait un homme qui avait un esprit impur. Et dès qu'il sortit de la synagogue, il alla ensuite chasser la fièvre de la belle-mère de Pierre. Comment cette femme pouvait-elle observer le septième jour de repos étant malade? Le jour du sabbat, Jésus guérit la femme courbée de Luc 13. Comment cette femme qui était courbée depuis 18 ans pouvait-elle observer le sabbat de Dieu? En la redressant, Jésus lui donna le vrai sabbat qu'elle n'avait pas connu depuis 18 ans au moins. Et dès que Jésus donne le vrai repos à cette femme, tous les chefs religieux légalistes de la loi de Moïse se braquèrent contre le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il leur dit au verset 15? Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ce qui nous amène de nouveau à observer toute cessation d'activité, le septième jour de repos, comme la loi l'imposait aux Israélites, sont des hypocrites. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Imaginons comment il est laborieux de détacher son âne et de le conduire à la source d'eau pour qu'il boive. Dans le verset 15 ci-dessus, Jésus les traite d'hypocrites en se référant au quatrième commandement que ses bourreaux violaient pourtant. Voici quelques morceaux choisis du sort qui attendait tous ceux qui violaient le sabbat de la loi. Dans Exode 31, à partir du verset 14, nous lisons: vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas né dans cette dispensation-là. Et comme nous l'avons déjà dit plus haut dans Exode 31, du verset 1 au verset 3, si quelqu'un allumait le feu dans sa maison, même pour cuire la nourriture, le jour du sabbat, cette personne était punie de mort. Dans Nombre 15, du verset 32 au verset 36, la loi interdisait de ramasser le bois le jour du sabbat. C'était une faute très grave. Et si vous étiez surpris en train de ramasser le bois le jour du sabbat, vous étiez condamné à mort et lapidé. Même les observateurs modernes, les pharisiens d'aujourd'hui, reconnaissent déjà qu'il est normal de faire de bonnes œuvres pendant le septième jour de la semaine. Parce que, disaient-ils, le sabbat est un jour de miracle, parce que Dieu a toujours lié le jour du sabbat au miracle. Que veulent-ils donc finalement? Dans Luc 14, du verset 1 au verset 6, Jésus, le maître du sabbat, celui qui est venu pour accomplir, pose la question suivante à ses légalistes mosaïques. Au verset 3, Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Ils ne purent rien répondre à cela, parce qu'aucun d'eux n'observait la loi qu'ils voulaient pourtant imposer aux autres. C'est ce que Jésus leur dit. En plus, ils cherchaient à l'assassiner pour continuer à violer la loi qui interdit pourtant de commettre de meurtre. Drôle d'observateur de la loi. Dans Jean 7, le Seigneur leur dit ceci: Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Verset 21. J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez donc pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Oh, connaissent-ils ce que c'est que la justice? Ils ont établi leur propre justice. Ils ne fonctionnent pas selon la justice de Dieu. Chers amis, la miséricorde doit s'exercer chaque jour, du dimanche à samedi inclus. Celui qui nous le permet dans la dispensation de la grâce où nous sommes est le même qui a donné la loi et qui dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le sabbat pour vos âmes. Ceci tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes de notre vie. Le repos que Jésus-Christ nous donne n'est pas seulement un jour par semaine, mais tous les jours. Il n'est pas seulement le repos du corps, mais celui de l'âme et de l'esprit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. Je suis à Banga Onana. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. En obéissant à Jésus, l'homme à la main sèche avait permis ainsi au Seigneur d'accomplir le sabbat et d'abolir la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Le repos a été fait pour l'homme et non l'homme pour le repos. C'est celui qui s'était reposé de ses œuvres le septième jour et qui avait institué le septième jour de repos dans le décalogue qui le dit, pendant que ses créatures le jugent parce qu'ils croient connaître, comprendre et observer le sabbat plus que lui, le créateur et le seigneur de tous les seigneurs. Quel blasphème, quelle apostasie. Quand le Seigneur nous envoie prêcher la bonne nouvelle à toute la création et à baptiser les croyants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'ajoute pas, sauf les samedis. Quand il annonce dans Marc 16, à partir du verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il n'ajoute pas, sauf les samedis. Quand sa parole nous dit, dans Galates 6, à partir du verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il n'ajoute pas, sauf les samedis. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous avons le repos. Il nous le donne en guérissant notre âme et notre corps. Aucune âme damnée, aucun corps malade et souffrant ne peut jamais connaître le sabbat tant qu'il croupit sous le joug du péché, de la maladie et de la douleur, de la famine et de la condamnation éternelle. Dans le livre de Jean 5, nous avons cet autre miracle fait pendant le sabbat. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Nous paraphrasons, qui attendait le mouvement de l'eau pour entrer dans le repos. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans sans repos, malgré tous les septièmes jours hebdomadaires qu'il vivait. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? En d'autres termes, veux-tu entrer dans le repos? Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. La loi de Moïse interdit de porter son lit. Les juges, les huissiers de la loi de Moïse vont frapper dans bientôt, vont maintenant adresser des contraventions à Jésus. C'était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. À la piscine de Bethesda, ni les juifs malades et leurs familles, ni l'ange qui venait de temps en temps agiter l'eau pour donner le repos de la guérison à celui qui tombait le premier dans la piscine, ne respectaient et n'observaient le sabbat de la loi. Les huissiers religieux et légalistes de la loi de Moïse lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voici, ne pêche plus, de peur que tu ne ressortes de mon repos. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Par vos péchés, vous nous avez fait sortir du repos, mon père et moi. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous sommes en pleine activité avec notre Dieu. Jésus aurait pu dire seulement aux paralytiques de se lever et de marcher. Mais il opta de provoquer la mentalité des religieux en demandant à l'homme de porter son lit et de marcher, l'amenant de ce fait à violer devant tous le sabbat selon la loi de Moïse. Ceci était pédagogique, mais une fois de plus, nos légalistes ne comprirent rien. Nous attirons l'attention de tous que même l'ange de Dieu qui venait agiter l'eau violait le repos du septième jour. Si nos chefs religieux pouvaient voir cet ange comme ils voyaient Jésus, ils l'auraient attrapé, ils l'auraient aussi condamné de violer le sabbat et l'auraient mis à mort. Nous connaissons la suite. Jésus, le maître du sabbat, fut condamné et mis à mort par eux. Jésus a toujours utilisé tous les sabbats pour donner le vrai repos aux religieux après avoir changé leur mentalité. C'est pour cela que dans Romains 12 au verset 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ceci, les pharisiens de la loi de Moïse ne le comprennent pas. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et non la volonté des pharisiens. Quelle est la volonté de Dieu et non la volonté de Moïse. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dans Jean 9, Jésus viole le sabbat charnel en guérissant un aveugle né pendant le jour du sabbat. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ces œuvres de Dieu qui seules désormais donnent le vrai repos. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Chers amis, en Jésus-Christ, nous sommes dans le jour. Travaillons, faisons les bonnes œuvres. Quand? Tous les jours. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. De même, tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ deviennent comme lui, la lumière du monde. Il n'y a plus de nuit dans leur vie, ni de distinction de jour. Tel Jésus est, tel ils sont. Tel Jésus parle, tel il parle. Tel Jésus agit, tel ils agissent. Jésus est venu accomplir le sabbat en nous donnant sa vraie signification et en nous permettant d'y entrer réellement avec lui. Notre repos n'est plus lié forcément à une cessation d'activité, mais à une communion parfaite avec lui. La Bible nous dit que ce sont ceux qui entrent dans le repos de Dieu en Jésus-Christ qui doivent commencer à œuvrer, c'est-à-dire à pratiquer de bonnes œuvres en tout temps, des dimanches à samedi inclus. C'est ce que dit Éphésiens 2, du verset 8 au verset 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par l'observation de la loi, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tous les médecins, les infirmiers et tous ceux du corps médical doivent travailler sur le vol tous les jours de la semaine, du samedi à dimanche. Attention, les légalistes du septième jour travaillent pour que tous les samedis, les écoles, les hôpitaux, les moyens de transport, les marchés de livres, les pharmacies, les gardiens de nuit et tous les vigiles, l'armée, la police et la gendarmerie arrêtent toute activité. Ceci pour donner libre accès au diable, parce que tout le monde sera inactif, sauf le diable. Chers boulangers, vendeurs de beignets et de bouillies, les malades ont faim, les travailleurs ont faim. Apprêtez et vendez la nourriture tous les jours de samedi à dimanche. C'est Jésus, le maître du sabbat, qui vous l'ordonne. Imaginez le nombre de décès qui se passeront si aucune pharmacie n'ouvre les samedis. La question que nous posons est celle-ci. Nos légalistes du septième jour du repos mosaïque empruntent-ils les taxis? Vont-ils eux aussi dans les marchés pour acheter ne serait-ce que de la nourriture les samedis? Que font-ils quand leurs femmes sont en travail les samedis? Les amènent-ils à l'hôpital pour qu'elles accouchent? Et s'ils les amènent dans les hôpitaux et qu'ils trouvent que tous ces hôpitaux-là sont fermés pour cause de septième jour de sabbat, que feront-ils? Et même en amenant leurs femmes dans des hôpitaux, ne savent-ils pas qu'ils violent le sabbat en parcourant des distances qui sont supérieures à la distance d'un chemin de sabbat? De qui se moque-t-on? Gardiens de nuit et autres vigiles, forces de l'ordre, douaniers aux frontières, faites votre travail tous les jours et surtout les samedis pour que les bandits n'en profitent pas pour opérer sans crainte. Et en allant au travail, empruntez les taxis, les trains, les avions qui eux aussi font ce qui est juste en faisant du bien tous les jours, donnant ainsi du repos à plusieurs. Et Jésus lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Va, marche, même s'il faut dépasser la distance d'un chemin de sabbat. Va, c'est moi qui t'envoie, et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé signifie envoyé, apôtre. Va, je t'établis mon apôtre pour montrer à tous qu'il faut faire chaque jour tout travail, toute œuvre qui glorifie Dieu, qui bénit, qui sanctifie et qui donne le repos à tous, comme le préfigurait au commencement le septième jour de repos. Tout comme dans la Bible, de nos jours, plusieurs s'opposent à Jésus, le maître du sabbat. Ils dirent donc aux guéris, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Ils répondaient, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » Nous avons des religieux qui nous traiteront de perdus ou d'incrédules si nous allons au culte un autre jour que le samedi ou si nous travaillons le samedi. Et ces religieux tiennent plusieurs âmes naïves dans la captivité, celles qui ont peur d'être exclues de leur synagogue. C'est la même chose qui se passa dans ce passage que nous venons de lire du verset 18 au verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Voilà leur devise. Pour nos religieux, donner gloire à Dieu, c'est renier le maître du sabbat et le vrai repos qu'il nous donne pour se soumettre à la loi de Moïse. Répondons à tout cela, quel que soit ce que vous dites de Jésus, nous savons une chose, nous étions aveugles et maintenant nous voyons. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? S'ils ne se repentent pas, ils nous répondront sûrement en nous injuriant. C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. C'est toi qui es le disciple de Jésus. Nous sommes disciples de nos ancêtres à travers leurs traditions occultes, païennes, villageoises et tribales. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Nous savons que Dieu a parlé à nos ancêtres, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. C'est ce que nous entendons pourtant autour de nous, dans nos familles, dans nos villages, de la bouche de ceux qui se disent des chrétiens. Chers amis, qui vous a forcé à être chrétien? Comment pouvez-vous être chrétien en reniant Jésus-Christ, le créateur de toutes choses et le fondateur de son Église? La Bible nous dit que pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Préparons-nous donc à entrer dans le millénium, le 7e jour du repos avec Dieu. Pour que le repos du sabbat soit effectif, il faut que l'homme soit dans le repos avec Dieu et non sans lui. Le repos que Dieu nous donne n'est pas seulement 1 jour sur 7, mais 7 jours sur 7. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous dit que tous les jours sont égaux. Au début de son ministère, Jésus avait pourtant annoncé qu'il était venu pour donner le vrai repos du 7e jour à tous ceux qui croiront en lui. Nous vous conseillons de lire Luc chapitre 4 du verset 14 au verset 19. Voilà le vrai sabbat qui manquait aux hommes depuis celui de la création à Éden, où Dieu se reposa de toute son œuvre. Si le sabbat était seulement un jour de repos hebdomadaire, tous les fils et les filles à papa qui passent le temps à dormir, à manger et à regarder la télévision auraient 7 fois plus de repos que nos pharisiens. Et nous envierons tous les hommes et les femmes qui sont plongés dans des comas profonds depuis plusieurs semaines de 7 jours. Sur la croix, Jésus a proclamé « Tout est accompli ». En ce qui concerne l'œuvre de la rédemption, personne n'est plus obligé de demeurer captif du péché ou de Satan ou même de la loi. En disant « Tout est accompli », Jésus ne cessa pas toute activité comme au 7e jour de la création. Il alla dans les régions inférieures pour arracher à Satan les clés de la mort et du séjour des morts, afin de libérer les saints de l'Ancien Testament des liens de la mort et pour monter ensuite avec eux au ciel le jour de l'ascension. Il ressuscita ensuite le 3e jour, un dimanche, le 1er jour de la semaine et non le 7e. Si Christ n'est pas ressuscité, son œuvre n'est pas complète et nous avons cru en vain et aucun de nous ne peut entrer dans le repos. Le repos de notre dispensation avec Christ n'a rien à voir avec toute cessation d'activité. Parce que dès que nous entrons dans son repos, c'est en ce moment-là que notre activité avec Dieu commence. Et le psalmiste dit, nous ferons des exploits avec Dieu. L'œuvre de la rédemption, de la justification est accomplie. Mais Jésus ne cesse pas encore cette activité et ses œuvres. Il monte au ciel 40 jours après sa résurrection avec en sa compagnie les saints de l'Ancien Testament. Et depuis lors, il est au ciel où il est allé nous préparer une place, intercédant pour nous. Il est notre avocat. Il revient bientôt nous chercher au son de la trompette de l'enlèvement de l'Église. Il nous jugera ensuite pour nous donner des récompenses et des couronnes à qui de droit. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 9 au verset 10. 7 ans après notre enlèvement au ciel à sa rencontre, il reviendra avec nous sur cette terre en pleine tribulation pour sauver Israël, pour juger les nations, pour vaincre ses ennemis, pour capturer le diable et le jeter en prison et pour régner pendant 1000 ans avec nous. Après les 1000 ans de paix sur la terre, il jugera tous les impies depuis le commencement, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans son livre de vie. Nous jugerons le monde et les anges avec lui. Il les jettera ensuite dans les temps ardents de feu et de soufre, Satan en tête. Ensuite sera l'avènement de la nouvelle Jérusalem, comme au jardin d'Éden avant la chute. Et nous voilà entrés dans le repos éternel avec Dieu. Cette fois-ci avec cessation d'activité productrice. La loi mosaïque exigeait d'observer les jours de sabbat pour nous-mêmes et les années de sabbat pour la terre. En plus de ces 2 sabbats, il y avait un 3e, celui de la 49e année, le jubilé. La semaine de l'homme est de 7 jours. Celle de la terre est de 7 ans, selon la loi de Moïse. La terre devait se reposer tous les 7 ans. Parce que les Israélites avaient constamment violé le sabbat de la terre, Dieu annonça leur exil loin de la Judée, afin que la terre puisse se reposer pendant 70 ans. C'est de ces 70 ans de captivité dont nous parle Jérémie 26 du verset 33 au verset 35. Nous avons ensuite les 70 semaines de 7 ans chacune dont nous parle le prophète Daniel. Le temps qu'il fallait depuis la reconstruction de la ville de Jérusalem, lors du retour de Esdras de l'exil, jusqu'à l'an 27 environ de notre ère, le moment où Jésus avait commencé son ministère, ce qui faisait 69 semaines. Il reste donc une semaine de 7 ans qui sera aussi entamée dès le son de la trompette de l'enlèvement de l'Église et consommé lors du retour physique de Jésus-Christ sur la terre pour délivrer Israël et inaugurer le millénium, le 7e jour, le 7e millénaire de repos éternel entre Dieu et les siens. Il y aura alors la fin des transgressions et tout Israël reviendra à Dieu dans la justice. Romains 11, versets 26 à 27. Cette prophétie s'accomplira. C'est ce que Pierre nous dit dans Actes 3, du verset 19 au verset 26. Aucun de nous ne peut comprendre le plan de Dieu avec les hommes s'il ne considère pas les dispensations dans l'histoire de Dieu avec les hommes. L'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse avec Abraham, la loi avec Moïse, la grâce avec Jésus-Christ et enfin le royaume. Par exemple, la loi qui dit « œil pour œil, dent pour dent, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi » était la parole de Dieu pendant la dispensation de la loi, mais elle ne l'est plus dans la nôtre. C'est aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ne rendez pas le mal pour le mal qui est désormais la parole de Dieu dans notre dispensation. En plus de cela, sachons que la loi a été donnée aux Juifs, aux Israélites et non aux païens. Voici ce que Dieu nous dit de la part de Paul, l'apôtre des non-juifs que nous sommes, dans Éphésiens 2 à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ceci sans que nous ayons observé la loi de Moïse que nous ne connaissions même pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi qui donne la vie aux croyants que je suis n'est plus la loi mosaïque écrite sur les tables de pierre dans toutes ses prescriptions, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Paul, l'apôtre des non-juifs, mon apôtre, est très clair à ce sujet. Il dit à Pierre, l'apôtre des juifs, qui a lui-même des difficultés à se libérer de la loi de Moïse, dans Galates 2, du verset 11 au verset 14. Mais lorsque ses faces vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Chers amis, ne craignez pas les circoncis, ne craignez pas les pharisiens et les chefs religieux, craignez Dieu. Ainsi, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barabbas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre, à Cephas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Chers amis, ce passage est très important. Paul ajoute à l'adresse de Pierre, au verset 15, « Nous, nous sommes des juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens, comme Abanga Onana et tous les non-juifs qui suivent ce message. » Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Chers amis, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est que quand nous recevons son esprit en nous dans sa plénitude que nous entrons dans le sabbat, le repos de Dieu. Mais la loi demeure le fondement de toute vie si nous voulons plaire à Dieu. La Bible dit qu'elle est le pédagogue ayant pour but de nous conduire à Christ, le vrai repos. Il n'est donc pas mauvais d'afficher les 10 commandements de Dieu dans les lieux publics, dans les chambres de nos enfants, dans nos écoles, et de les enseigner à tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau en Jésus-Christ. Ceci dans le seul but de les conduire à Christ. Quand ils se rendront eux-mêmes compte qu'ils sont incapables d'observer par eux-mêmes les 10 commandements de Dieu. Parce que les 10 commandements de Dieu sont le pédagogue qui entraîne les enfants pour les conduire à Christ. Romains 7, à partir du verset 6, Paul nous dit « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Sans commentaire. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et d'après 1 Corinthiens 10, verset 32, Dieu ne reconnaît que 3 groupes de personnes dans le monde. Les juifs, les chrétiens et les païens. Chers amis, je vous conseille d'appartenir au groupe de Jésus, les chrétiens, ceux qui ont son esprit. N'acceptez donc pas que quiconque vienne vous donner à porter des fardeaux que même les Israélites n'ont pas pu porter. C'est pour cela que Josué n'a pas pu donner le repos aux Juifs et que le paganisme ne peut pas nous le donner. Pierre, que Paul avait remis sur le rail, défend maintenant la bonne doctrine au concile de Jérusalem. Nous vous conseillons de lire Actes chapitre 15, dont l'apôtre Jacques fait la conclusion suivante au verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. D'où viennent donc maintenant les impositions aux chrétiens d'observer les sabbats mosaïques et les autres observances judaïques et païennes de nos villages africains? Comme Paul dans Romains 10 au verset 1, le vœu d'Abanga Onana, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne reconnaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Notre foi et notre façon de faire reposent sur le fondement des apôtres en Jésus-Christ et non sur celui de Moïse. C'est la Bible qui le dit. Dans 1 Corinthiens 3, du verset 9 au verset 14. Aucun de nous ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous sommes établis sur un fondement solide et éternel, savoir Jésus-Christ, que les apôtres nous ont prêché, et non Moïse. Notre fondement n'est pas Moïse, mais il est Jésus-Christ. Et la Bible ajoute que ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous sommes justifiés, affranchis de la culpabilité de tout ce dont nous ne pouvions être justifiés par la loi de Moïse. Lisez cela dans Actes 13, du verset 37 au verset 39. Pourquoi les premiers disciples de Jésus-Christ ne se réunissaient-ils pas les samedis pour rompre le pain? Pourquoi c'est désormais les dimanches qu'ils le faisaient, alors que les siens qu'ils avaient rejetés continuaient à se réunir les samedis tout en excluant les autres jours? Les disciples avaient-ils tort? Avaient-ils péché? Non, non, non! Parce que Éphésiens 2 au verset 20 nous dit que « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Chers amis, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, verset 14. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'agit là du témoignage de Dieu, qui est plus valable que le témoignage des hommes, qui est plus valable que le témoignage de Moïse et des pharisiens. Et quel est ce témoignage? Le témoignage de Dieu est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, mais c'est la colère de Dieu qui demeure sur lui. Chers amis, de quel côté êtes-vous? Si vous voulez entrer dans le repos de Dieu, tout est accompli. Mort crucifié, Jésus-Christ a vaincu la mort en ressuscitant le troisième jour. Par son sang versé, il sauve nos âmes. Et par sa résurrection d'entre les morts, il nous justifie. Le croyez-vous? N'ayez pas peur, baissez votre tête, fermez vos yeux et priez avec moi. Soyez seulement sincères. Dites avec moi: Père Céleste, je te remercie pour le message d'aujourd'hui, parce qu'à travers lui, tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Je crois de tout mon cœur que tu as ressuscité Christ d'entre les morts. Je confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur de tous les seigneurs et mon Seigneur personnel. En ce moment, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Viens dans mon cœur et donne-moi ton repos. Ôte mon péché et détruis toutes ses conséquences dans ma vie. Remplis-moi par ton Esprit Saint et donne-moi désormais de demeurer et de marcher selon ta parole. Merci pour le repos que tu m'as donné. Merci pour la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chers amis, je suis Abanga Onana. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.